Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Golbeau-Mistassini et Normandin. La Ligue de Ballante de Robertval a cessé ses activités la semaine passée. Ben, c'est une fin de saison. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Jonathan Thibault pour parler un peu de la Ligue. Parce que ça sent, moi, je suis ça de Golbeau, mais ça sent très dynamique. J'ai des résultats tous les jours et à tous les matchs. On va parler avec le président de la Ligue, Jonathan Thibault. Salut, Jonathan. Salut, Danny. Jonathan, c'était une belle saison. J'ai vu ça passer. Ben, je l'annonçais dans le bulletin de sport local et régional. Et je voyais que ça a été serré jusqu'à la toute fin. Hein. Oui, en effet, une saison avec beaucoup de matchs. Une saison assez spéciale qui entrera dans notre courte histoire, puisque cette année, on a joué nos derniers matchs sur notre petit terrain. Ah, OK. Donc, comme tu as pu voir, là, les travaux... du centre sportif Benoît Lévesque, ça touchait aussi les infrastructures de loisirs extérieures. Donc nous, on déménage l'année prochaine sur l'ancien terrain de baseball qui se trouve là en haut de l'aréna. Okay. Donc on va avoir un terrain là qui va être beaucoup plus grand que ce qu'on avait. On en est bien heureux là. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait la demande, puis la ville a réussi là finalement. À nous loger là où on voulait là, avec la subvention qu'ils ont eue. Fait que pour en revenir avec la saison, écoute, serré jusqu'à la toute fin. La logique avec la formule là, des séries qu'on avait, la logique a quand même été respectée. On a commencé avec un tournoi des séries. Okay. Donc la première position jouait avec la quatrième et la cinquième. Okay. Oui, c'est ça. Et la deuxième position jouait avec la troisième et la dernière. Donc, c'était fait à cinquième et la sixième, normalement, soit éliminée. C'est ce qui s'est produit. Donc, on a eu 1, 2, 3, 4 dans les séries demi-finales. 2 de 3. Et c'est la finale qui a opposé Garma à Intersport qui s'est conclue, qui s'est jouée là, tout spécialement à Saint-Félicien. Parce qu'on avait perdu... le terrain à Robertval, étant donné les travaux qui étaient commencés à notre ancien terrain. Donc, on a fait la finale à Saint-Félicien. Et puis, la série s'est finie 3-1 pour Garma. Donc, la saison est terminée. On a eu droit à une très belle série. Et puis, tout le monde est content. Je reviens sur l'histoire du terrain. Vous devez être content parce que j'annonçais des résultats puis ça ressemblait pas mal au Wrigley Field, vos résultats. Des matchs de 23-21, c'est sûr que c'est de la balle lente, c'est sûr que c'est pas du baseball, c'est pas du softball, c'est de la balle donnée qu'on appelle là. Mais quand même, j'imagine que ça va réduire considérablement le nombre de points. Là. Oui, on dit ça, mais nous, comparativement à d'autres ligues, c'est sûr qu'on joue 6 manches aussi. OK. Donc il y a des ligues qui jouent 5 manches, donc notre manche ouverte est la sixième. Ensuite de ça, pour te donner un comparatif, on avait dans le champ gauche et le champ droit, on avait 240 pieds. Okay. Là, on va se ramasser à 300 pieds. Okay. Donc là, il va y avoir quand même une bonne différence. Et au centre, normalement, là, selon les plans, on va se retrouver à avoir 315 pieds. Donc ça va faire un champ qui va être beaucoup plus grand. On va pouvoir jouer, au lieu de jouer à 10 joueurs, probablement qu'on va jouer à 11 joueurs. Okay. Donc, il va y avoir quand même, là, l'année prochaine, là, ça va être une année pivot là, quand même pour notre ligue, où il va y avoir plusieurs changements au niveau de l'administration aussi. On va avoir quelques décisions à prendre sur le format, les différents règlements qu'on va adopter suite à un plus grand terrain. La hauteur de balle qu'on va jouer, il y a tout ça là qu'il faut réviser avec le comité avant de commencer la saison. Mais tu comprendras que notre réunion de fin de saison avec le comité est même pas faite. Donc on fait ça très prochainement, puis on veut commencer ça en force l'année prochaine avec une solide édition pour notre nouveau terrain. OK. Donc, c'est une bonne affaire. Deuxième bonne affaire, un commanditaire de ligue, c'est sûr que l'argent, c'est dur à trouver, là. Mais est-ce qu'un autre commanditaire de la Ligue, est-ce que vous êtes à la recherche de ça? Ben, présentement, on a 6 commanditaires. OK. D'ailleurs, je les remercie, puis je peux te les nommer rapidement. Là, on a Saint-Hubert, ouais, qui nous commandite. Ensuite, on a Perron Megavac. On a Garmin Impression. OK. Motel Castille Bar Zodiac. On a Intersport et Pièces d'Auto Roussel. Ah, donc, oui, chaque commanditaire qu'on a là donne un montant. Et moi, je leur fais un set de chandail à leur nom. Puis, au cours de la saison, on essaie là, d'aller encourager chaque commanditaire. Là, il y en a que c'est peut-être plus difficile un petit peu. Mais soit que ces commanditaires-là nous offrent un crédit sur les achats qu'on fait. Pour te donner un exemple avec Intersport, que ce soit les balles qu'on achète pendant la saison ou l'équipement. Ou sinon, on nous donne un montant pour pouvoir là, aider le financement de notre ligue. OK. Donc, présentement, d'avoir un commanditaire majeur pour la ligue, c'est pas nécessairement dans mes plans. OK. Nous, on en a 6. On est très heureux avec ça, puis ça roule très bien comme ça. OK. Toi, tu reviens-tu à la présidence l'an prochain? Comment ça marche? J'imagine que je sais que c'est une gang de chums, là, qui c'est du social aussi en même temps, là. Fait que j'imagine que tu vas venir à la présidence. Ben, exactement. Normalement oui. Ce qui me motive à revenir, c'est vraiment on a une très belle gang d'un. J'ai un super bon comité aussi. Et puis c'est vraiment l'avenue du nouveau terrain. Puis comme je t'ai dit, la nouvelle formule en tant que telle, là, la ligue ne changera pas du tout au tout, là, mais il y a quand même, donc il y a ça qui me motive. Puis on prévoit aussi un lancement là, pour la nouvelle ligue, un tournoi qui va revenir l'année prochaine, parce que cette année, à cause des travaux, c'est incertain. On n'a pas fait de tournoi régional. L'année prochaine, l'objectif, c'est d'en faire un gros. J'ai plusieurs idées là, derrière la tête avec ça. Fait que c'est ce qui me motive pour l'année prochaine. Puis après ça, probablement que je passerai le flambeau, puis je ne serai qu'un joueur qui sera dans le repêchage, tout simplement. OK. Hey, t'as pas de part de joueur. Tu sais que je suis bien chum avec Alexandre Gauthier, c'est connu, là, c'est mon chroniqueur de football. Apparemment, après qu'on a parlé de ses contre-performances début de saison, et ses performances ont monté en flèche. Est-ce que c'est la raison principale? Ben, Danny, là-dessus, là, je pourrais. Je trouvais que t'étais sur un terrain. Là, dans notre entrevue de début de saison. Je ne sais pas si ça l'a fouetté, mais je peux te dire juste une chose. Ça a été un de mes meilleurs joueurs, Alexandre. Peu importe, je fais des blagues avec ça, là, mais ben peu oui, importe les performances des joueurs sur le terrain, c'est toujours le côté social qui est présent et qui est plaisant. Puis ce type de personne-là comme Alexandre, là, t'en prends 10 n'importe quand. Ah non, ben je fais des jokes, puis il sait d'ailleurs. Plus, il nous a donné du solide baseball. Il sait que je fais des jokes d'ailleurs, puis c'est pour me payer sa tête oui, un peu. Bien été. Mais j'étais un petit peu. Je lui ai dit, j'ai fait comme Denis Coderre. Tu sais, Denis Coderre, quand il avait tweeté, là, David Thiernan, je sais pas si tu t'en rappelles, là, tu sais. Ouais, je m'en rappelle. Donc, moi, je pense que j'ai fait de ben là, ça, en tout cas. Ça l'a performé. Donc, ben, c'est. Non, ça a très bien été. Ça a très bien été, ben bravo. Donc, pas question de retraite pour Alexandre l'an prochain. C'est bien correct de même. Donc, la réunion de fin de saison pour faire le bilan de tout ça, ça va avoir lieu quand? Nous, on fait notre. On a notre partie de fin de saison samedi le 16 septembre. Et puis, normalement, une semaine après, le comité va se rencontrer pour présenter notre budget final, mettre à l'ordre du jour qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on veut changer, puis commencer déjà là, à la dernière rencontre de parler de l'année prochaine. OK. Ben, à cause des nouveaux changements. Parce qu'il y a une équipe à Saint-Félicien aussi. Il y a une ligue à Saint-Félicien aussi. Est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est semblable? Est-ce que c'est pas vrai des pourparlers, genre, pour avoir à la fin, tu sais, une idée que je lance en l'air? Le gagnant de Repervert contre le gagnant de Saint-Félicien dans le 2-3, me semble que ça serait hot, non? C'est une idée comme ça, là, que je lance. C'est, oui, en effet. C'est une très bonne idée que tu apportes. C'est pas quelque chose qui peut être impossible. Par contre, le format est différent. Okay. Dans le sens où nous là, on pour te réexpliquer un petit peu là, c'est vraiment deux capitaines, t'as un assistant capitaine et puis on procède à un repêchage. Okay. Donc, tout le monde est dans la banque. Et puis, nous, c'est comme un pool de hockey, autrement dit. Là, la liste est là. Choisis tes joueurs. Par contre, à Saint-Félicien, je sais qu'ils font leur propre équipe. OK. Donc, normalement, bon, l'équipe qui était forte l'année passée, qui était dominante, s'ils gardent les mêmes joueurs, ben ça va être encore la même histoire pour l'année d'avant. C'est une formule qui est différente. Tu joues avec tes chums, tu joues avec ceux que tu veux vraiment avoir dans ton équipe. Mm-hmm. Puis c'est tout autant correct, mais nous, on s'assure là une meilleure parité dans notre ligue à fonctionner avec un repêchage. Puis c'est une formule qui est très, très appréciée de tous nos joueurs, là. Okay, okay. Benjamin Thibault, les lignes vont toujours être là, les ondes vont toujours être là pour les organismes de sport. C'est ma mission première de dendretosport.com. Puis dès que tu as quelque chose, gêne-toi pas. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Danny. Puis je te redonne les nouvelles pour notre nouvelle saison l'année prochaine. Effectivement. Donc, Jonathan Thibault, le grand responsable de la Ligue de ballon de Robertval.